dans Parole d'experts, Mounir Benchana, directeur de région chez Harmonie Mutuelle, nous parle d'épargne salariale et retraite. Attirer et fidéliser les talents est un enjeu majeur pour toutes les entreprises. Et c'est plus facile avec une vraie politique de partage de la valeur associée à des plans d'épargne. C'est très intéressant fiscalement pour les salariés et les entreprises. Chez Harmonie Mutuelle, nous accompagnons les entreprises de toute taille avec des dispositifs sur mesure, ultra performants et très simples à mettre en place. Plus d'infos sur harmonie-mutuelle.fr. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que se passe-t-il dans un noyau d'atomes ? On apprend à l'école que les noyaux atomiques sont 100 000 fois plus petits que les atomes dont ils constituent le cœur. On apprend également qu'ils sont composés de protons et de neutrons, sagement collés les uns aux autres, unis qu'ils sont par la puissante force nucléaire. Et on nous les montre par le biais de dessins qui les font ressembler à de tranquilles framboises, à la fois microscopiques et bicolores. Les protons sont des petits grains rouges, les neutrons des petits grains bleus, mais parfois c'est l'inverse. En réalité, les noyaux atomiques sont bien plus complexes que cela. Ils sont le théâtre de phénomènes subtils, violents et très rapides. Songez qu'en leur sein s'agitent par endroits des particules dont les vitesses sont proches de celles de la lumière. Ce constat lapidaire que je viens de faire réclame à l'évidence d'être précisé, corrigé et complété. Il demande donc que nous prenions le temps de nous poser au moins ces deux questions. Que se passe-t-il au juste dans les noyaux des atomes et que nous reste-t-il à comprendre en la matière ? Pour répondre à ces deux questions, j'ai invité une physicienne nucléaire et un physicien tout aussi nucléaire. La physicienne s'appelle Marine Vandebroek. Bonjour Marine. Bonjour. Et le physicien s'appelle Antoine Drouard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux physiciens nucléaires à la direction de la recherche fondamentale du commissariat à l'énergie atomique. Et j'ai une première question, c'est qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu physicien nucléaire? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce type de recherche? On commence par vous, Marine. Alors moi, c'est venu assez tardivement. Pendant c'est mes jeune. Études, oui, mais tardivement quand même. j'étais attirée par les sciences en général, la physique un peu plus. Donc après une classe préparatoire, j'ai intégré le magistère de physique fondamentale à Orsay, c'est un cursus universitaire en physique fondamentale, avec l'objectif à l'époque de passer l'agrégation de physique pour devenir prof. Donc j'aimais bien la physique en général, ça s'était adapté. Et au cours de mon master 1, en fait, j'ai eu le cours de physique nucléaire. Et là, ça a été un véritable coup de cœur. Et coup de cœur parce que le noyau de l'atome, c'est un objet complexe avec plein de questions ouvertes. Donc ça m'a beaucoup attirée. Mais coup de cœur aussi par les méthodes expérimentales pour aller étudier ce noyau. Parce que pour aller étudier le noyau, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais on a besoin de bijoux de technologie que sont les accélérateurs et les détecteurs. Et l'aspect expérimental m'a vraiment, vraiment intriguée. Et vous, Antoine ? Antoine Drouard ? Alors, je suis aussi arrivé à la physique nucléaire de manière assez indirecte. J'avais commencé un stage de fin d'études plutôt en physique des particules, étudier la matière noire, des choses comme ça. Et après, j'ai bifurqué sur un... À l'époque, c'était un DEA, donc l'équivalent d'un Master 2 en astrophysique. Et donc là, j'avais travaillé sur la formation du système solaire. Et après ça, en fait, j'ai eu envie... C'était très... Bon, forcément, la formation du système solaire, c'est assez... On fait des simulations. Hein. Et j'avais envie de retourner à l'expérimental. Et donc, j'ai cherché un peu. J'ai trouvé un sujet de thèse en physique nucléaire où on proposait de monter une expérience moi-même, de participer à cette expérience, de la réaliser et après d'analyser les résultats. Et de maîtriser tous les bouts de la chaîne. Voilà, c'est ça. On partait du début presque de la conception de l'expérience jusqu'à la fin au résultat de physique. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire en physique nucléaire et pas vraiment en physique des particules où les instruments sont beaucoup plus gros. Exactement. En physique nucléaire, on a des plus petites équipes, les projets sont plus restreints en temps. Et donc, du coup, sur une thèse, on est capable de mener comme ça des trajectoires. Comment vous expliquez que plus les objets qu'on étudie sont petits et plus les moyens qu'il faut utiliser pour les comprendre sont gros? Alors, c'est un peu... Il faudrait introduire la notion de longueur d'onde, qui est un peu notre microscope pour aller étudier l'objet. Et en gros, pour aller étudier un objet de plus en plus petit, il faut de plus en plus d'énergie. Et donc, pour aller étudier le noyau, il faut faire des réactions avec ce noyau, il faut l'accélérer à des énergies où l'équivalent en vitesse, ce serait à peu près, pour le noyau atomique, un tiers de la vitesse de la lumière. Et si on veut aller, par exemple, étudier les particules, donc l'échelle encore plus petite, eh ben, il faut donner encore plus d'énergie. Et là, on atteint au LHC au CERN à Genève, c'est 99,999, je ne sais plus combien de 9 derrière la virgule, % de la vitesse de la lumière. Donc plus les objets sont petits, plus il faut taper fort sur eux pour pouvoir les distinguer finalement. C'est ça. Donc la physique nucléaire réclame moins d'énergie que la physique des particules, mais on réclame plus que la physique atomique. Exactement. Donc du coup, on a quand même des besoins de ces accélérateurs, de ce que j'appelle ces bijoux de technologie détecteurs, mais pas aussi gros que pour la physique des particules. Donc c'est ce qui permet d'avoir cette échelle de temps dont parlait Antoine, où on peut, au cours d'une thèse, mais aussi nous en tant que chercheurs, avoir plusieurs projets dans notre vie de chercheur. Et par exemple, on peut très bien mener 2-3 projets de front, être sur le développement des détecteurs, en même temps que sur une analyse de données et en même temps que sur une interprétation de résultats, par exemple. Mais si je prononce le mot noyau atomique, qui est le sujet de notre émission, qu'est-ce que spontanément il vous inspire? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est la framboise dont j'ai parlé? Est-ce que ce sont des calculs, une équation? Est-ce que c'est une expérience? Enfin, qu'à quoi vous l'associez spontanément? Peut-être Antoine d'abord. La framboise, définitivement. Vous en êtes resté à la framboise? Moi, j'en reste à la framboise. C'est quand même alors, un siècle de recherche en physique nucléaire. Voilà, bon, en rester à la framboise, c'est quand même un constat d'échec. Effectivement, l'image de la framboise est extrêmement naïve, mais quand même, elle nous dit des choses, justement. Parce que une framboise, c'est petit et compact, comme le noyau de l'atome. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le noyau de l'atome, c'est au sein de l'atome une toute petite portion. Alors l'image que j'aime bien, c'est si on a une tête d'épingle d'un millimètre au milieu d'un stade, les électrons sont à 100 mètres dans les gradins et pas aux meilleures places. Donc, les électrons qui tournent autour du noyau dans l'atome. Voilà, exactement. Et alors que le noyau de l'atome, lui, concentre 99,9% de la masse de l'atome. Donc c'est très petit, très compact. Comme on le disait, il y a des protons et des neutrons, comme dans une framboise pas mûre, où on a des grains rouges et des grains verts. Et c'est aussi un peu mou, hein, une framboise est un peu mou. Et le noyau, c'est justement ça, c'est compact, mais en même temps, on va pouvoir étudier sa forme, ses vibrations, et c'est comme ça que nous, physiciens nucléaires, on va essayer de sonder la structure de l'atome. Oui, mais dans la framboise, on n'imagine pas qu'il y a des particules, en l'occurrence les quarks pour les noyaux, qui vont à des vitesses qui sont proches de celles de la lumière. Ça cache un monde insoupçonné qui est très différent de l'apparence que cette image renvoie. Et vous, Marine, vous êtes à la framboise aussi? Alors, au premier ordre, oui. Au premier ordre, parce que une de mes activités de recherche, un de mes sujets de recherche, c'est les modes collectifs du noyau, donc c'est les modes de vibration du noyau. Et ça, l'image framboise, au premier ordre, elle fonctionne bien. Mais c'est donc vraiment... ça peut être une framboise qui n'a plus la forme d'une framboise, quand même. Exactement. Elle peut se comprimer, se dilater, elle peut osciller. Ça reste au premier ordre. C'est-à-dire que elle est très utile pour penser un peu nos expériences, mais dès qu'on va vouloir interpréter nos résultats, là, bien sûr, on a besoin d'aller au-delà. On a besoin de la physique quantique, parce que le noyau, il a ça de complexe, que c'est un objet quantique. Un objet quantique, mais d'une certaine taille, quand même. Toute la complexité du noyau, c'est ça. C'est son échelle intermédiaire, c'est une échelle mésoscopique. À l'interface entre les objets microscopiques qui sont régis par les lois de la physique quantique et l'objet macroscopique qui est régi par les lois de la physique classique. Donc on a là une vraie complexité du noyau, et aussi il ne faut pas oublier qu'on parle du noyau, mais en fait on a des noyaux, parce que le noyau c'est un système à N corps, on a dit qu'il était composé de protons et de neutrons, et ce qui fait qu'on n'a pas un noyau, mais on a des noyaux du plus petit qui est le proton, jusqu'au plus gros qu'on connaisse à l'heure actuelle, qui est l'oganesson. Le quoi ? Oganesson. Quel numéro atomique ? 118. Alors ce qu'on appelle le numéro atomique, c'est le nombre de protons qu'il y a dans un noyau et qui définit ce qu'on appelle l'élément chimique. Exactement. Par ailleurs. Donc 118 protons. Oui. Il ne doit pas durer très longtemps, il doit avoir une durée de vie très courte. Sa demi-vie, c'est une fraction de milliseconde, un peu moins d'une milliseconde. Alors et vous, Antoine Drouard, j'ai appris que vous donniez un spectacle à Paris, je crois, qui s'appelle Entre nous, c'est physique. Exactement. Ouais, c'est un vaste programme. Et qu'est-ce que vous racontez aux gens? Alors, c'est un one-man show? C'est un one-man show de vulgarisation scientifique. Et donc, j'y parle Big Bang, vie de l'univers, système solaire, tronçonneuse et pâte à crêpes. Et comment est-ce que vous parlez du noyau, justement? Alors, je le présente justement au début pour expliquer un peu le contenu de l'univers. Et les noyaux, effectivement, c'est... les noyaux composent toute la matière, les atomes et les noyaux d'atomes composent toute la matière qui nous entoure, que ce soit les solides, les liquides, les gaz, tout ça c'est composé d'atomes. Et malgré tout, ça ne représente que 5% du contenu de l'univers. Donc c'est tout notre environnement, et là on se rend compte que notre environnement c'est malgré tout quelque chose d'assez exceptionnel à l'échelle de l'univers. Mais alors, qu'est-ce qui n'est pas fait d'atomes? Si les atomes ne représentent que 5% du total du contenu de l'univers, de quoi est fait le reste? Le reste, c'est 75%, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Donc, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et c'est ce qui fait que l'univers, alors qui gonfle, et en plus, à cause de l'énergie noire, il gonfle de plus en plus vite. Et donc, 75% du contenu de l'univers. 25% de l'univers, enfin de 20% de 70%, pardon. 70% du contenu de l'univers, c'est l'énergie noire. 25% de l'univers, c'est la matière noire. On ne sait pas ce que c'est non plus. Donc là, effectivement, on se rend compte qu'on ne comprend pas 95% de l'univers. Et les 5% restants, c'est essentiellement, effectivement, nos atomes qui composent la matière, essentiellement des atomes d'hydrogène. Mais si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a des découvertes qui augmentent notre ignorance. Exactement. Puisque il y a 20 ans ou 30 ans, quand on était étudiant en physique, on nous disait que le contenu matériel de l'univers était identifié. C'était les atomes, ce qu'on appelle la matière baryonique, dans votre jargon, je crois. Et on a découvert que c'était faux, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'on ne savait pas alors qu'on croyait savoir. Mais est-ce que c'est la fin de cette sorte de bilan, ou est-ce que la part qui est connue va encore se réduire, d'après vous ? Vaste question. Moi, j'ai un peu l'impression qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose, ça ouvre encore plus de questions et il y aura toujours de la recherche fondamentale, de manière générale. C'est vrai que l'histoire de la question de l'énergie noire et de la matière noire, c'est une des questions chaudes de notre domaine. Mais comme elles sont pas faites de noyaux atomiques, je propose qu'on les laisse de côté pour cette émission et qu'on revienne à nos petits noyaux. Quelles sont les forces fondamentales qui agissent sur ces protons ou à l'intérieur des protons et des neutrons qui constituent les noyaux? Alors, ce qui lie les protons et les neutrons entre eux au sein du noyau, c'est l'interaction forte. Et cette interaction forte, en fait, elle est très bien définie à l'échelle en dessous. C'est-à-dire que là, on a parlé des protons et des neutrons comme si c'était notre brique élémentaire. Mais en fait, à l'échelle particule, les protons et au sein des protons et des neutrons, on a ce qu'on appelle des quarks et des gluons qui, eux, sont les particules. Aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances, sont les particules élémentaires. Et donc, l'interaction forte, elle est très bien définie au niveau quark et gluon. Mais c'est la théorie qui la définit, c'est ce qu'on appelle la QCD, donc la chromodynamique quantique. Mais cette chromodynamique quantique, elle ne s'applique pas à l'échelle du noyau. Donc, ce qu'on a au niveau de notre échelle du noyau, c'est une résultante de cette interaction forte qui a lieu à l'échelle en dessous. Et donc aujourd'hui, beaucoup de physiciens nucléaires, cette fois-ci théoriciens, c'est pas nous, mon expérimentateur, travaillent à définir des modèles qui vont pouvoir décrire cette interaction forte à l'échelle du noyau entre les protons et les neutrons. Vous voulez dire que dans les protons et les neutrons, il y a donc des quarks qui interagissent en échangeant des gluons, que tout ça est régi par cette théorie que vous appelez la QCD, la chromodynamique quantique, mais elle s'applique au niveau du noyau tout entier, sauf qu'on ne peut pas la calculer quand le nombre de particules qui interviennent devient trop grand, c'est ça? C'est ça. Et donc vous avez des modèles qui dépendent de l'échelle à laquelle vous regardez l'objet? Oui, tout à fait. Et est-ce que vous arrivez à vous parler, c'est-à-dire un physicien qui s'intéresse au noyau tranquille, à basse énergie, comprend ce que dit un physicien qui s'intéresse au noyau, qui travaille lui à plus haute énergie? Alors oui, et puis il y a des... par exemple, la mode dans les théories nucléaires à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle les théories effectives, qui cherchent à vraiment s'ancrer dans la QCD. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la QCD, sur la chromodynamique quantique, mais ces théories à l'échelle nucléaire sont définies dans un cadre qui va respecter le cadre théorique de la QCD sous-jacente. Donc là, vous avez parlé de Marine van den Broek, de l'interaction forte, mais il y en a d'autres. Oui. Lesquelles? Antoine Drouard, c'est à vous. La plus connue, c'est l'interaction électromagnétique. Et donc là, elle va jouer dans notre noyau d'atomes entre les protons, qui sont tous chargés positivement, et donc ils vont se repousser. Donc on aurait en fait cette idée que le noyau va pas être stable, et ce qui va le stabiliser, c'est l'interaction forte, justement, qui, elle, va être attractive et qui va retenir tout l'ensemble. Mais on sent bien que plus le noyau va grossir, plus il va y avoir de protons à l'intérieur du noyau, et plus cette force de répulsion va être importante. Et si on regarde, alors on parlait tout à l'heure du modèle de la framboise, en fait, en physique nucléaire, on a plein de modèles qui sont adaptés à des domaines de validité et qui nous permettent de dire des choses sur le noyau et de comprendre certains phénomènes. Et par exemple, on a un autre modèle qui est arrivé assez tôt, un modèle assez simple du noyau, qui le voit comme une goutte liquide chargée positivement, justement, à cause de ses protons. Et si on regarde ce modèle de goutte liquide, si on fait grossir cette goutte liquide de plus en plus, un moment, on va voir que la force de répulsion entre les protons va être telle que cette goutte liquide va se casser en deux. Donc, et ça, c'est un modèle qui aurait pu permettre de prédire la fission nucléaire pour l'uranium, par exemple. Et pourtant, quand elle a été découverte, elle a surpris tout le monde. C'est après coup qu'on s'est rendu compte que le modèle de la goutte liquide pouvait expliquer ce phénomène. Exactement. Donc, qu'est-ce qui nous dit d'autre, ce modèle de la goutte liquide, et en quoi il complète ou contredit l'image de la framboise? Alors, il est très prédictif pour les masses. C'est-à-dire que on a parlé, voilà, donc de la multitude de noyaux qui existent, toutes les combinaisons protons-neutrons qui existent pour former tous les noyaux que l'on connaît aujourd'hui. Et en fait, les limites d'existence des noyaux sont assez bien définies par le modèle de la goutte liquide. C'est-à-dire, c'est un modèle qui nous dit quelles sont les agrégations de protons et de neutrons qui forment un noyau stable et quelles sont celles qui l'empêchent d'exister vraiment. C'est ça. Ouais. Et la radioactivité dans ce contexte-là, elle intervient comment ? Antoine Droit, complétez comme vous voulez. Voilà, sur la goutte liquide, parce que justement, on dit que c'est un modèle avec son domaine de validité. Et par exemple, le domaine de la goutte liquide nous dit que au-delà de 104 protons dans un noyau, la goutte liquide normalement devrait fissionner spontanément. Donc la goutte liquide se casse, le noyau fissionne. Or, expérimentalement, on a découvert justement des éléments chimiques, des noyaux d'atomes qui sont plus lourds que 104. Et donc ça nous dit, le modèle de la goutte liquide a ses limites. Alors, pourquoi justement ? On essaye de comprendre, et ça veut dire qu'on a des effets stabilisateurs qui interviennent pour ces noyaux extrêmement lourd. Et ça, c'est expliqué par un autre modèle qui est apparu dans les années 50, qui a été mis au point par Maria Goeppert-Mayer, justement une des rares physiciennes, une des seules deux physiciennes d'ailleurs au XXe siècle à avoir eu le prix Nobel, et les deux étaient avec Marie Curie en physique nucléaire. Et donc c'est elle qui a mis en place, qui a construit le modèle en couches, qui est là un modèle quantique, qui nous explique que les noyaux en fait sont répartis en différentes couches d'énergie. Certaines couches sont particulièrement stables et c'est ces effets de couches qui vont stabiliser ces noyaux qui, selon la goutte liquide, devraient fissionner spontanément. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'on a des modèles et que ça nous montre que ces modèles ont des domaines de validité et que si on sort du domaine de validité, dans ce cas-là, il faut trouver d'autres explications, d'autres modèles éventuellement plus complexes, plus raffinés pour expliquer ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce qui fait que certains noyaux sont radioactifs ? Qu'est-ce que c'est que la radioactivité et quelles sont les conditions qui permettent à cette radioactivité de s'exprimer ? Je dirais qu'un noyau se désintègre parce qu'il le peut. Merci. C'est-à-dire que un noyau, donc, c'est pas parce qu'il est obligé de le faire, parce qu'il a un excédent d'énergie ? Alors. Il le fait parce qu'il peut le faire, justement, parce qu'il y a deux choses. Un noyau a un excédent d'énergie, mais par rapport à quoi ? Il a un excédent d'énergie par rapport à, par exemple, d'autres noyaux autour de lui. Et il le peut aussi parce qu'il y a des règles de transformation qui sont liées aux interactions fondamentales qui lui permettent de passer de cet état initial de noyau avec un excédent d'énergie à un autre noyau avec moins d'énergie. Et par exemple, on aura la radioactivité alpha. Donc elle, c'est l'émission spontanée par un noyau, d'un noyau d'hélium. Un noyau d'hélium, c'est deux protons et deux neutrons. Donc par exemple, on va avoir un noyau de radon, qui est un gaz radioactif, qui va se désintégrer et qui va donner un noyau de polonium, plus cette particule alpha. Donc ça, là, c'est plutôt pour les noyaux qui sont assez lourds. Alors voilà, l'émission alpha, c'est plutôt pour des noyaux assez lourds ou des noyaux qui ont beaucoup de protons. Alors pourquoi il peut le faire ? Parce que justement on a conservation du nombre de protons et de neutrons dans la désintégration. Il y en a autant dans le noyau initial que dans le noyau final, plus le noyau d'hélium. Donc les particules ne changent pas de nature. Les particules ne changent pas de nature. Enfin, les protons et les neutrons ne changent pas de nature. Et ça, c'est une des conditions pour faire cette désintégration alpha. Mais il y a d'autres formes de radioactivité. Alors, on va alterner entre la physicienne et le physicien, entre le physicien et la physicienne. C'est au tour de Marine Van de Broek. Oui, alors les autres, on apprend globalement à l'école, on va dire, les quatre grandes radioactivités. Donc, il y a l'alpha dont vient de parler Antoine. Il y a les radioactivités dans les noyaux un peu plus légers qu'on appelle bêta plus et bêta moins. C'est quand, alors, la bêta plus, elle va émettre un positron, donc elle va transformer un proton en neutrons avec émission de positrons et d'un neutrino. Et alors que la bêta moins, elle va transformer un neutron en proton avec émission d'un électron et d'un antineutrino. Voilà. Très bien. Et quelle est la force qui rend possible cette transformation? Parce que là, pour le coup, on a affaire à une radioactivité qui change Exactement. La nature des particules engagées. C'est l'interaction faible. Voilà. C'est la troisième force. On a parlé de l'interaction forte, de l'interaction électromagnétique. L'interaction mise en jeu dans la désintégration bêta plus et bêta moins, c'est l'interaction faible. Voilà. Et il y a aussi la gamma. Oui. Là, c'est autour d'Antoine. Alors, la désintégration gamma, bon, c'est presque une fausse désintégration, en fait, parce que le noyau ne va pas changer de nature. Ça va être toujours le même noyau. Mais par contre, c'est un noyau qui est dans un excès d'énergie. Par exemple, il est en train de vibrer, il est en train de tourner, des choses comme ça. Et donc, l'histoire, c'est effectivement, c'est important, c'est de dire qu'une désintégration, c'est un noyau qui passe d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie inférieur. Et là, il va émettre donc un photon gamma, donc il va faire une émission de lumière pour descendre son niveau d'énergie, mais là, sans changer de nature. On a toujours le même nombre de protons et le même nombre de neutrons. Alors, oui, Marine Van de Broek. Oui, si je peux compléter. Ce qui est marrant, c'est que là, c'était vraiment les quatre, on va dire, radioactivités de base. Mais au fur et à mesure du temps, on a d'autres radioactivités plus exotiques qui sont apparues. Et aujourd'hui, en fait, on pourrait même plus compter le nombre de radioactivités que l'on a, parce qu'on a des radioactivités plus exotiques qui apparaissent aux limites d'existence des noyaux, par exemple dans les noyaux légers, aux limites d'existence des noyaux côté riche en protons, on va dire. Là, on a des émissions, on a des radioactivités exotiques qui sont la radioactivité de protons, c'est-à-dire que le noyau va cracher deux protons d'un coup. Sans émettre de neutrons avec, en même temps. Et après, on a d'autres radioactivités plus exotiques encore, enfin aussi plus exotiques, mais non, qui n'ont pas encore été mesurées expérimentalement, mais on a une équipe qui travaille dessus. C'est les radioactivités double alpha, par exemple. Donc, c'est des noyaux lourds qui, au lieu d'émettre un alpha, vont émettre deux alphas en même temps. Donc, au total, 8 nucléons, Exactement, 4 protons, 4 neutrons. Ouais. Et ça, c'est une radioactivité qui est prédite. Théoriquement, mais qui n'a pas encore été observé expérimentalement. On a aussi les radioactivités cluster, où là, c'est pas un alpha, mais c'est un noyau de carbone, par exemple, qui va être émis. Donc, on a vraiment une grande diversité de radioactivités maintenant. Alors, j'ai dit, vous êtes jeune, mais vous avez quand même derrière vous pas mal d'années de recherche. Les deux choses sont compatibles. Quelles sont les découvertes, en dehors de votre propre sujet de recherche, qui vous ont impressionné durant votre début de carrière? Est-ce que c'est un domaine très vivant, où il y a beaucoup de nouveautés? Où est-ce que l'essentiel a été compris? Alors moi, il y a un résultat qui m'a beaucoup marqué ces dernières années. C'est en 2017, il y a eu l'observation simultanée d'une onde gravitationnelle et d'une onde électromagnétique provenant d'un même endroit. Donc le même endroit étant en fait le même événement, qui était la coalescence de deux étoiles à neutrons. Et alors je fais une petite parenthèse pour expliquer pourquoi ce résultat m'a marqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que les noyaux sont fabriqués dans les étoiles, mais dans les étoiles, on peut fabriquer que jusqu'au fer, jusqu'au noyau fer. Pour les noyaux plus lourds, on a besoin d'avoir recours à des phénomènes, des processus beaucoup plus violents qui mettent en jeu beaucoup plus d'énergie. Et typiquement, c'est le processus qu'on appelle le processus R, où il va y avoir une capture neutronique rapide sur des éléments stables pour fabriquer des noyaux plus lourds. Et ces processus, les lieux, les sites de ces processus R, ce serait typiquement des coalescences d'étoiles à neutrons, parce que là, il y a beaucoup d'énergie mise en Qu'est-ce qu'il y a dans une étoile à neutrons? Pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi? Il y a beaucoup de choses, mais de la matière riche en neutrons. Et entre autres, justement... Est-ce qu'on peut dire que c'est un gros noyau, finalement? Est-ce qu'on peut dire qu'une étoile, c'est un très gros noyau? C'est une étoile à neutrons. C'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, une étoile à neutrons elle-même a une structure très, très particulière qui est quand même relativement loin de la structure du noyau de l'atome. Alors pourquoi on parle d'étoile à neutrons ? Déjà, c'est parce qu'effectivement, la force de gravitation dans une étoile à neutrons est telle que les électrons vont fusionner avec les protons pour se transformer en neutrons. Donc effectivement, c'est des étoiles qui sont plutôt riches en neutrons, mais en fait, elles ont aussi une structure beaucoup plus complexe que ça, avec des couches extérieures composées de noyaux d'atomes là, des couches internes avec des neutrons superfluides, voire des protons superfluides, et même des états extrêmement étranges qui me dépassent personnellement. Mais c'est beaucoup plus compliqué que juste une grosse boule de neutrons. Mais Marine Bondombrouck, on va continuer sur cette découverte. Donc, cette fusion de deux étoiles à neutrons a produit des ondes gravitationnelles. Exactement. Donc, et pourquoi aussi une onde électromagnétique? Alors, justement, parce qu'il y a émission de ce que les astrophysiciens appellent le sursaut gamma. Donc, il y a un flash lumineux qui est émis en même temps que l'onde gravitationnelle. Qui va à la même vitesse? Alors, non. Parce que le flash lumineux, c'est la vitesse de la lumière. Et l'onde gravitationnelle, c'est la vitesse de la gravité, je pense qu'on veut dire ça. C'est la vitesse de la lumière aussi. Par contre, il y a un petit décalage temporel. Exactement, oui. Au départ, mais c'est la même vitesse de propagation. Ouais, oui, crois. D'accord. Tout à fait. Je pensais au décalage temporel. Et voilà, et c'est pour ça que. Et ce qui est impressionnant, c'est d'avoir pu détecter les deux choses. Exactement. Et à partir du même événement. Voilà, et là où j'en viens à cette découverte, c'est que dans le spectre électromagnétique, il y a eu des traces, des signatures de la synthèse de ces noyaux plus lourds que le fer. Donc en fait, on avait une détection immédiate de ces noyaux. Ça a révélé des choses sur le contenu des étoiles. Exactement. Donc en fait, on avait la preuve directe qu'il y a des noyaux plus lourds que le fer qui étaient fabriqués lors de cette coalescence d'étoiles à neutrons. Bon, c'est en effet impressionnant. Et vous, Antoine Drouard, quelle est la découverte qui vous a marqué, impressionné? Moi, je suis assez plan-plan, je resterai dans le domaine de la physique nucléaire et même mon domaine d'étude, qui est l'étude des noyaux super lourds. Oui, vous aimez les trucs lourds. Moi, j'aime les trucs lourds. Alors que Marine Vandenbroek, c'est plutôt les trucs complexes. Ouais, si je puis établir une démarcation entre vous deux. Dans le domaine des super lourds, qu'est-ce qu'on appelle un noyau lourd ou super lourd? Voilà. Super lourd, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. En fait, la limite des noyaux, super lourds, qui est une limite assez factice, somme toute, c'est donnée par la goutte liquide. C'est-à-dire que la goutte liquide nous explique que, au-delà d'un certain nombre de protons, le noyau devrait fissionner spontanément. Donc il n'existe pas. Donc il ne devrait pas exister. Sauf qu'on les observe expérimentalement, à cause, justement, des effets de couches quantiques qui stabilisent ces noyaux. Vous les fabriquez. Alors, on les fabrique et une fois qu'on les a fabriqués, on les observe. Puisqu'effectivement, ces noyaux-là, on ne les a jamais vus dans la nature. Ils n'existent pas à l'état naturel. En gros, sur Terre, on va trouver des noyaux. On peut trouver jusqu'à du plutonium sur Terre, par exemple. Du plutonium naturel? Plutonium naturel, oui. Qui est lié, en fait, à la désintégration, justement, de l'uranium. Qui, lui, va désintégrer. On parlait de la désintégration bêta. Donc, l'uranium, par désintégration bêta, va donner du neptunium. Et ensuite du plutonium. Donc c'est comme ça qu'on trouve du plutonium à l'état naturel sur Terre. Mais il n'y a pas de noyaux lourds ou super lourds qui soient stables? Il n'y en a pas. Ils sont tous radioactifs? Ils sont tous radioactifs. On n'en a jamais vu de stable. Donc je disais, au-delà de 104 protons, ce qu'on appelle ces noyaux super lourds. Et en fait, on se rend compte que même au XXIe siècle, on a découvert un nombre d'éléments chimiques extrêmement impressionnants. Et c'est comme ça qu'on a réussi, donc, la fameuse table, le tableau périodique de Mendeleïev, s'est retrouvé complété de toute une bande de nouveaux noyaux, de nouveaux éléments chimiques qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, pour arriver jusqu'à l'oganesson, que Marine citait tout à l'heure, qui, en fait, arrive au bout d'une ligne de la table de Mendeleïev. Donc ça c'est 118, le nombre atomique, c'est-à-dire 118 protons dans chacun de ces noyaux. Est-ce qu'il y a des arguments théoriques pour dire que le 119 existe et peut-être aussi le 120, qu'on pourrait peut-être les synthétiser un jour? Alors il y a plusieurs modèles théoriques qui sont un peu en compétition pour essayer de prédire justement la stabilité de ces éléments super lourds. Selon les modèles, on va avoir un optimum de stabilité à 114 protons, entre 114 protons et 126 protons. Donc on voit qu'à 118, on est un peu entre les deux. Alors, Le problème, c'est que comme on fabrique ces noyaux par fusion de noyaux plus petits. Le problème, c'est que par ces mécanismes de fusion, on n'arrive pas à faire des noyaux super lourds qui auraient suffisamment de neutrons pour être vraiment le plus stable possible. Donc, on n'est pas à l'optimum. Quand on pourrait trouver des noyaux qui ont des... Comme ils sont tous radioactifs avec des durées de vie extrêmement courtes, qu'est-ce qui empêche de dire que la fusion, même si elle dure très peu de temps, constitue un nouvel atome? Un nouvel élément chimique. Alors, est-ce qu'il y a un critère de durée qui permet de dire c'est vraiment un élément? Ça, c'est les chimistes qui interviennent. Et le critère des chimistes, c'est de dire il faut, pour que le cortège électronique se forme autour du noyau de l'atome, donc que tous les électrons s'arrangent correctement, il faut à peu près 10 puissance moins 14 secondes. Donc c'est court, c'est assez court. Ça suffit pour dire qu'on existe. Et ça suffit pour dire qu'on existe. Alors, ça suffit pas pour... détecter le noyau, par exemple. Parce que nous, on a nos contraintes expérimentales qui font qu'on ne peut pas non plus détecter des noyaux qui auraient des temps de radioactivité trop courts. Donc comment est-ce que vous prouvez expérimentalement qu'ils existent si vous ne pouvez pas les détecter directement? Alors, on peut détecter expérimentalement ceux qui se désintègrent avec des temps de vie suffisamment longs. Et on va détecter justement l'oganesson, dont on parlait, lui. Il est donc radioactif, il se désintègre par émission alpha. Et ce qui va signer sa production et son existence, c'est justement la détection de l'émission de cette particule alpha. Donc vous inférez leur existence par l'observation de leur descendance. Exactement, c'est ça. On détecte les noyaux super lourds parce qu'ils sont radioactifs. Ils seraient stables, avec nos méthodes, on ne serait pas capable de les détecter. Et alors quelles sont les questions, puisque vous menez des recherches dans ce domaine-là, Antoine Roire, quelles sont les questions auxquelles vous tentez de répondre par les expériences que vous faites? On essaie justement, on parlait tout à l'heure des différents modèles de structures nucléaires qui ont des prédictions extrêmement variées, un maximum de stabilité entre 114 protons et 126 protons. Et en étudiant les noyaux super lourds, on essaye de savoir quel est le modèle qui est le plus proche de la réalité. Et là, justement, on parlait tout à l'heure d'aller plus loin que l'élément 118. On voit que si c'est le modèle qui prédit un optimum à 114 protons, on voit que passer du 118 au 119 ou au 120, on va s'éloigner de la zone de stabilité. Et donc on va perdre, les noyaux vont être radioactifs avec une temps de vie encore plus court. À l'inverse, si le niveau de stabilité est plutôt autour de 126 protons, là en passant de 118 à 119, on s'en rapproche un peu. Et donc on verrait les temps de vie radioactifs, alors peut-être pas augmenter, parce que plus c'est lourd, moins c'est stable, mais au moins se stabiliser. Et vous, Marine Vandenbroek, est-ce que ces questions-là vous intéressent dans votre propre champ de recherche, ou c'est complètement séparé? Alors, oui, moi j'ai deux activités principales, et une d'elles est très connectée à ce dont vient de parler Antoine. Moi, je regarde la structure des noyaux un peu plus légers, en fait, que les noyaux super lourds, et notamment la région des actinides, en fait, donc autour de l'uranium, globalement. Et cette région, elle est intéressante parce qu'on est vraiment à l'entrée du domaine des super lourds, et donc moi, je m'intéresse vraiment à leur structure, pour essayer de comprendre leur stabilité. Et entre autres, dans cette région, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une déformation exotique du noyau. C'est-à-dire que le noyau, en général, il est déformé. Il y a quelques noyaux sphériques, justement autour des nombres magiques dont parlait Antoine tout à l'heure. Mais la plupart des noyaux sont déformés, avec une déformation qu'on va appeler prolate, qui ressemble à un cigare, une déformation plutôt oblate qui va correspondre... Lentille, lentille en général. Quasiment un disque, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, pour certaines combinaisons de protons et de neutrons, on a des déformations encore plus exotiques qui apparaissent, et notamment des déformations qu'on appelle des déformations octupolaires, qui correspondent à des formes de poires. Et ces formes de poires, elles sont intéressantes pour plein de raisons. On quitte la framboise, là, nettement. On quitte la framboise. Mais la forme de poire, elle peut être, avec les mains, on peut se rendre compte qu'elle est un peu intéressante, parce que on imagine bien qu'on peut fissionner assez facilement une forme de poire. Donc les noyaux en forme de poire, ils peuvent facilement fissionner en un gros fragment, un petit fragment. Et donc c'est lié à toutes les problématiques de fission. Et il se trouve que dans la région des actinides, donc autour de l'uranium, il y a beaucoup les déformations les plus fortes qui sont prédites pour ces formes de poire. Donc moi j'étudie la forme des noyaux dans cette région-là. Donc c'est un domaine où la complexité règne en maître, j'imagine ? Oui. Et est-ce que vous vous appuyez dans vos recherches, là je parle à vous deux en même temps, sur les travaux des physiciens des particules? Autrement dit, est-ce que les théories que vous construisez ou que vous utilisez dérivent de théories sous-jacentes qui étudient des niveaux plus profonds avec des particules plus petites, qu'on a nommées les quarks et les gluons, ou est-ce que finalement à chaque question correspond le modèle qui lui correspond le mieux? Est-ce que, par exemple, autre façon de poser la même question, est-ce que la découverte en 2012 du boson de Higgs par les physiciens des particules a changé vos travaux ou a une incidence sur vos modèles? Fondamentalement, non. Non. Non. Autrement dit, c'est qu'il y a quand même une forme d'étanchéité alors, entre les disciplines. Alors oui et non. Dans le sens où rien que pour le noyau, on a plusieurs... Alors, je dis « on », mais c'est pas nous, encore une fois, c'est pas « on », c'est les théoriciens. On a plusieurs approches, il y a plusieurs modèles pour décrire le noyau. Historiquement, on a le modèle en couche dont a parlé Antoine, on a des modèles plus classiques aussi pour les noyaux très lourds, et dans les noyaux plus légers, on a commencé à avoir, il y a quelques années en arrière, quelques décennies maintenant, des méthodes dites ab initio qui sont beaucoup plus ancrées dans la théorie sous-jacente QCD. Ab initio, c'est d'ailleurs qu'on part des équations les plus fondamentales. Oui, des premiers principes, oui. Ouais. Et donc, du coup, qui sont beaucoup plus ancrés dans la théorie sous-jacente. Donc, il y a quand même une volonté vraiment de faire les ponts entre les domaines. Et ça, on le voit d'un point de vue théorique, mais on le voit aussi d'un point de vue expérimental. Au niveau des méthodes, on a des méthodes expérimentales qui sont très inspirées de la physique atomique. Voilà, on a... Donc, il y a des ponts. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'au XXe siècle, et même depuis le début du XXIe, il y a une sorte de descente analytique extrêmement efficace. On est passé de l'atome au début du XXe siècle, au noyau, puis au proton, neutron, puis au quark. On a gagné des ordres de grandeur dans la taille des objets qu'on peut voir. Mais d'après ce que je comprends de ce que vous dites, la remontée synthétique est beaucoup plus difficile que la descente analytique. On a du mal à dériver un modèle à partir simplement des équations les plus fondamentales de la physique. Et là, c'est vraiment lié à la... Et ça, c'est lié au problème à n-corps, comme on dit. Oui, c'est-à-dire qu'il y a n-corps qui interagit, et plus n est grand, plus c'est... Exactement, là, on retombe sur la complexité du noyau, qui est ce système à n-corps, et qu'on ne peut pas modéliser de manière aussi... j'aime pas dire simple, parce que c'est pas simple, le modèle de la physique des particules. Mais on est vraiment au niveau élémentaire, quoi. Et vous n'aimez pas les choses simples, j'ai l'impression. Bah non. Oui, dans le noyau, justement, on se trouve dans un état où on a nos nombres de protons et de neutrons. Donc au maximum, on aura l'organesson qui a 118 protons et 294 protons plus neutrons au total. Et en fait, c'est un chiffre qui est grand pour faire une étude systématique du comportement du noyau en partant uniquement de ses constituants et des interactions entre les constituants. Enfin, de toute façon, le problème à n-corps devient très compliqué à partir de 3. Donc ça va assez vite. Mais en même temps, 300 protons et neutrons, c'est pas énorme. Et donc on peut pas non plus faire un traitement statistique qu'on pourrait faire pour étudier un gaz où c'est on va avoir 10 puissance 23 particules qui interagissent les unes avec les autres. Et en fait, le noyau, c'est vraiment un état où on peut avoir des phénomènes. Enfin, on est à la frontière entre les deux, des phénomènes collectifs statistiques. Par exemple, on disait tout à l'heure, la fission peut s'expliquer, en partie au moins, à l'aide du modèle de la goutte liquide. Et par exemple, le fermium, donc ça c'est un noyau très lourd aussi, donc il y a 100 protons, lui, il va fissionner, et on peut le comprendre grâce à la goutte liquide. Mais on prend deux isotopes de fermium très voisins, qui ne diffèrent que par un neutron. Il faut rappeler ce qu'est un isotope. Alors, rappelons ce qu'est un isotope, effectivement. Tout à l'heure, on parlait des éléments chimiques. Donc, un élément chimique est défini par le nombre de protons à l'intérieur du noyau, puisque le nombre de protons définit le nombre d'électrons qu'on a dans l'atome. Donc ça définit l'élément chimique et ses propriétés chimiques. Mais, par contre, pour un nombre de protons donné, le nombre de neutrons peut varier. Et ça, on va avoir différents isotopes en fonction du nombre de neutrons. Par exemple, le carbone, le carbone le plus courant, c'est le carbone 12, parce que le carbone a 6 protons et 6 neutrons. Mais on a aussi le carbone 14, qui est un carbone qui est radioactif, qui lui aura 6 protons, c'est toujours du carbone, mais 8 neutrons. 6 plus 8 égale 14. Vous êtes des sociologues, finalement? Vous êtes des sociologues de petites communautés formées de protons et de nucléons, et vos méthodes dépendent du nombre d'individus qu'il y a dans ces communautés. Complètement, et de façon déterminante. justement le fermium. Donc pour deux isotopes très voisins, donc on a à peu près pour le fermium, on a plus de 200 nucléons au total, donc 200 protons et neutrons. On va changer un seul le nombre de neutrons d'une seule unité, et on va avoir un isotope de fermium qui se casse en deux noyaux de taille égale, plus ou moins, et on rajoute un neutron, et tout d'un coup, le phénomène de fission va être complètement différent, avec l'émission là d'un petit fragment et d'un plus gros fragment. Donc on voit que c'est des phénomènes collectifs, mais en même temps, juste un individu, une différence d'un individu peut changer drastiquement ses propriétés collectives. Ben, comme dans les sociétés humaines, j'imagine. Marine Vandenbroucke, il se trouve que j'ai pu lire votre mémoire d'habilitation à diriger des recherches, dans lequel il est question de résonance pygmée. Alors, je dois vous dire que j'ai pas tout compris, et donc je compte sur vous pour expliquer de quoi il s'agit. Alors effectivement, c'est ma deuxième activité. La première, c'était les super lourds. La deuxième activité, c'est les modes de vibration du noyau, et notamment cette résonance pygmée. Donc la résonance pygmée, c'est un mode de vibration du noyau que l'on retrouve dans les noyaux qui sont plutôt riches en neutrons. Et donc en fait, dans ces noyaux plutôt riches en neutrons, le surplus de neutrons va avoir tendance à se positionner en périphérie du noyau, et la peau de neutrons, donc on appelle ça la peau de neutrons, cette peau de neutrons va vibrer contre un cœur symétrique en nombre de protons-neutrons à l'intérieur du noyau. Donc c'est une framboise qui a une croûte ? Exactement, de neutrons. Mais alors qu'est-ce qui vibre là-dedans ? C'est quoi ce mode de vibration spécial que vous appelez la résonance pygmée ? Alors c'est la vibration de la peau de neutrons contre ce cœur de protons-neutrons. Alors on peut se demander pourquoi c'est intéressant d'étudier cette résonance pygmée. Pourquoi elle s'appelle pygmée déjà ? Alors pourquoi elle s'appelle pygmée ? Parce que des modes de vibration du noyau, il y en a plein, mais il y en a un très connu, qui est son petit nom est la résonance géante dipolaire. Donc, je vais vous expliquer avec les mains ce que c'est. C'est en gros, on considère c'est pas mal. Les protons d'un côté et les neutrons de l'autre, et ils vibrent l'un contre l'autre, en fait, en opposition de phase. Ça, c'est un mode de vibration du noyau qui est très connu, étudié depuis des décennies, et qui a relativement haute énergie. Et quand les physiciens nucléaires se sont mis à étudier cette résonance géante dipolaire dans des noyaux riches en neutrons, ils se sont aperçus qu'il y avait une petite fragmentation de la force dipolaire qui était à plus basse énergie. Donc comme c'est une toute petite portion, ils l'ont appelée résonance pygmée. Donc le mot pygmée vient de là. Donc cette résonance pygmée, elle est très intéressante pour plusieurs raisons, mais une des raisons qu'on peut expliquer, c'est que sa position en énergie fait qu'elle est positionnée autour de ce qu'on appelle le seuil d'émission de neutrons, c'est-à-dire la fenêtre d'entrée pour capter un neutron. Et cette fenêtre d'entrée, on retrouve ce dont on parlait un petit peu plus tôt dans l'émission, qui est le processus R, qui est mis à l'épreuve pour expliquer la synthèse des noyaux plus lourds que le fer. Dans les étoiles. Et donc le fait qu'on ait cette fenêtre en énergie, cette résonance autour du seuil d'émission de neutrons, fait qu'on va pouvoir favoriser la capture neutronique. Donc la présence de cette résonance pygmée dans les noyaux riches en neutrons peut favoriser le processus R. Voilà. Alors, quand on vous écoute, on a l'impression que les noyaux sont tous en train de bouger, de se déformer, etc. Est-ce que c'est vrai de tous les noyaux, de ceux qui constituent la matière ordinaire, par exemple ceux qui sont dans cette table composée d'atomes, il y a donc des noyaux à l'intérieur, est-ce qu'ils sont sphériques ou est-ce qu'ils sont en train de faire de la gymnastique ? En fait, la plupart des noyaux ne sont pas sphériques. Ils sont déformés, ils sont en train de... Alors, y compris dans la matière ordinaire. Alors, le noyau, dans son état fondamental, on va dire, peut être déformé. On parlait tout à l'heure de formes un peu exotiques. Il reste déformé. De pastèque. Il n'y a pas des mécanismes qui le mènent à redevenir sphérique comme le sont les étoiles, par exemple. Parce que la gravitation n'est pas assez forte pour agir de cette façon. Ah bah là, la gravitation, elle est négligeable. Absolument négligeable à l'échelle du noyau de l'atome. En fait, nous, on n'en tient jamais compte. Il n'y a aucun modèle qui a besoin de prendre en compte les effets de la gravitation. Avec 3, ça va déjà, non ? C'était pas mal, ouais. Cela dit, on parlait tout à l'heure des étoiles à neutrons, et y a quand même un vrai parallèle entre le noyau de l'atome tout petit, qui fait donc 10 puissance moins 15 mètres, et le noyau de, enfin, et l'étoile à neutrons qui va plutôt faire quelques kilomètres, puisque L'étoile à neutrons elle-même aussi, elle va vibrer, elle va se compresser, etc., comme le noyau de l'atome. Et on peut faire le lien entre les deux à travers ce qu'on appelle l'équation d'état de la matière nucléaire, qui est la même dans les noyaux et dans les étoiles à neutrons. Est-ce qu'on connaît tous les noyaux? Alors, vous avez parlé, Antoine Drouard, des super lourds. Il y a des questions sur la limite en termes de numéro atomique qu'on pourrait espérer atteindre un jour. Mais si on quitte cette question et on s'intéresse aux noyaux bien connus du tableau de Mendeleïev, il y a toutes sortes d'isotopes. Est-ce qu'on les a tous identifiés ou est-ce qu'il y a encore des questions? Et combien ont été identifiés? Parmi ceux-là, combien sont stables? Combien sont radioactifs? Alors, on connaît, donc dans les noyaux stables, on a à peu près 300 noyaux stables. On a à peu près 3000 noyaux radioactifs connus. Et on estime qu'il y en a à peu près, selon les différentes prédictions théoriques, entre 5000 et 7000 encore à découvrir. Donc, il en manque la moitié. Oui. Voilà. Et en fait, c'est ceux à découvrir. Donc, au-delà, si on oublie les noyaux plus lourds que le 118 dont a déjà parlé Antoine, il y a tous ceux qui sont plus riches en neutrons, plus riches en protons aussi, mais c'est surtout côté plus riche en neutrons, il me semble, là où on sait que, globalement, on est loin de les avoir tous. Si on prend un isotope donné, c'est côté vraiment riche en neutrons où on sait qu'on est loin d'avoir atteint... Qu'est-ce qui les rend si difficiles à détecter? C'est la brièveté de leur durée de vie ou est-ce que c'est d'autres... La difficulté, ça va être de les synthétiser, en fait, de produire ces noyaux riches en neutrons. C'est-à-dire qu'on va, il faut, comme on le disait, la plupart des réactions nucléaires ont quand même une conservation du nombre de protons et du nombre de neutrons. Donc, par exemple, on va faire fusionner deux noyaux, on aura le même nombre de protons et de neutrons à la fin et au début. Et donc, on va pouvoir faire que un nombre de combinaisons limitées de noyaux. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, pour créer des noyaux riches en neutrons, une possibilité, c'est de prendre un noyau lourd et de lui enlever des protons. Donc globalement, le ratio neutron sur proton va augmenter. Donc c'est un peu comme ça qu'on va créer les noyaux riches en neutrons. Ou alors on va qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? C'est une autre question pour créer des noyaux riches en neutrons. En tout cas, moi je comprends bien en vous écoutant que pour vous les nucléons, protons et neutrons, c'est des boules quoi. Bon. Oui. Mais en fait, ces boules sont constituées, on l'a dit, de quarks. Il y a du vide quantique dedans, il y a des gluons. Est-ce qu'on arrive à comprendre le proton en termes de quark? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à faire cette petite remontée synthétique qui fait passer des quarks aux protons? Par exemple, on peut lire dans les livres la masse des quarks, on peut lire la masse d'un proton, et on voit que la masse d'un proton est plus grande que la masse de ses constituants. C'est bizarre. Parce que d'habitude, un sac de billes, il pèse à peu près, on ajoute les masses des billes qui le constituent, plus la masse du sac, et on tombe sur le compte juste. Pour les protons, ça marche pas. Le tout pèse plus que la somme de ses parties. Exactement. Et c'est peut-être lié aussi au fait de l'image du proton qu'on a. Ou l'image simple du proton, c'est qu'il est constitué de trois quarks. En physique, on appelle ça des quarks. En fait, c'est des quarks particuliers, ce qu'on appelle des quarks de valence, donc un modèle de quarks particulier. Et effectivement, on se rend compte que, alors, non seulement la masse des quarks, la somme de la masse des quarks est toute petite devant la masse du proton, mais si on regarde d'autres grandeurs, par exemple ce qu'on appelle le spin du proton, donc c'est une grandeur quantique qui est un peu c'est compliqué. Le mauvais exemple, c'est l'exemple de la toupie qui tourne sur lui-même. En fait, le proton ne tourne pas sur lui-même. C'est plutôt la réaction du proton en fait à la symétrie de rotation. Mais c'est quelque chose de très très fondamental et pas du tout classique. Donc c'est assez compliqué à s'imaginer. Mais la somme des spins des quarks ou des constituants est pas du tout égale à la somme du donc c'est un monde en soi, là encore. Oui. Donc en fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ce modèle de trois quarks, un peu comme le modèle de la framboise en fait. Ouais. Est limité et il faut ajouter à ça en fait ce qu'on a les quarks sont ces quarks de valence sont entourés en permanence de gluons. Donc ils s'échangent comme ils sont en interaction forte les uns avec les autres, il y a des échanges de gluons, donc des gluons qui bouillonnent à l'intérieur du proton, et on a aussi des créations de quarks, de paires de quarks anti-quarks à l'intérieur de ce proton. Et les protons n'ont pas toujours existé. Il y a eu une phase dans l'univers où il y avait ce que vos collègues appellent un plasma de quarks et de gluons. C'est des sujets que vous suivez ou ça se passe complètement indépendamment de vos propres thèmes de recherche? Alors, on suit parce que déjà, il y a nos collègues très proches dans le laboratoire qui travaillent sur ce plasma de quark gluon. Et puis, on parlait un petit peu des ponts entre les domaines un peu avant, là, et il y a un joli pont qui est créé par une découverte expérimentale récente entre le plasma de quark gluon et la forme des noyaux. Donc, on suit ça, oui, quand même, de près, je ne sais pas, mais on suit ça en tout cas. Donc le plasma de quark gluon, c'est un état de la matière qui est produit dans des collisions d'ions lourds à très haute énergie. Donc on crée un plasma très chaud. Et c'est un état de la matière où les quarks et les gluons sont déconfinés, ils sont libres en fait. Et cet état de la matière, il correspondrait à l'état de la matière au moment du Big Bang en fait. Donc c'est pour ça que nos collègues physiciens cherchent vraiment à caractériser ce plasma de quarks et gluons. Et il y a des travaux expérimentaux et théoriques récents qui montrent que en fait la dynamique de ce plasma de quarks et gluons, elle serait différente en fonction de la forme des noyaux qu'on collisionne. Donc ça, c'est quand même assez joli, je trouve. C'est comme si on avait un appareil photo du moment de la collision entre les noyaux et on arrive à créer ce plasma. Et en fonction de la direction dans laquelle il s'étend, ça nous renseigne sur la forme des noyaux qui sont rentrés en collision. On n'a plus beaucoup de temps. Alors j'ai une dernière question à vous poser pour avoir votre réaction à une phrase qui a été prononcée par Niels Bohr, grand physicien, qui a été un des pères de la physique nucléaire. Je crois que c'est lui qui a mis au point le modèle de la goutte liquide. Il me semble, avec d'autres. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Il a discuté avec Heisenberg et il lui a dit ceci. Il faut bien comprendre que lorsqu'il s'agit des atomes et des noyaux, le langage ne peut être employé que comme il l'est dans la poésie. Il ne s'agit plus de se préoccuper de décrire des faits, mais de créer des images et d'établir des connexions mentales. Parce que quand vous parlez, d'abord, vos mains bougent beaucoup. Ça se voit pas à la radio, mais c'est impressionnant. On a l'impression que les mots ne suffisent pas. Il faut les accompagner par une gestuelle, presque un exercice de mime, pour faire comprendre comment ça se passe. Moi, je l'aurais jamais aussi bien dit, mais c'est tout à fait vrai. Je me retrouve vraiment dans cette citation. Et puis, comme vous le savez, alors là, c'est la toute dernière question, à propos de la découverte de la fission de l'uranium-235. En 1934, Enrico Fermi, physicien italien, bombarde de l'uranium avec des neutrons. Il croit faire l'élément 93. Il y a 92 protons dans l'uranium. Le neutron est capturé, se transforme en proton. Et il publie un article en disant « on a découvert l'élément 93 ». Mais une chimiste allemande qui s'appelle Ida Nodak lui écrit en lui disant « mais si cet atome n'existe pas, c'est sans doute parce qu'il n'est pas stable. Et peut-être que, en fait, votre uranium frappé par un neutron a fissionné ». Le mot qu'elle emploie, c'est « fragmenté ». Et aucun des mâles italiens de l'équipe de Fermi n'a pris au sérieux cette lettre. Et donc, ils ont raté la fission. Et 4 ans plus tard, Otto Hahn refait les mêmes expériences, voit du barium dans la cible, pense que c'est une impureté, et il faudra qu'une physicienne, Liz Meitner, lui explique qu'en fait, il y a eu de la fission. Donc, c'est une question pour vous, Marine Vandenbroek. Comment expliquez-vous qu'il faut être une femme ou avoir été une femme pour comprendre la fission nucléaire? Vous avez 30 secondes. Je ne sais pas si seulement une femme pouvait découvrir la fission, je serais bien incapable de le dire. Par contre, ce que je pense, c'est que la diversité des manières de penser, elle est très importante en physique nucléaire, mais en recherche en général. Et cette diversité, bon, elle peut venir du genre, mais elle vient aussi de l'éducation, du milieu dans lequel on a grandi, on s'est construit. Et cette diversité des manières de penser, elle est primordiale pour formuler des hypothèses originales et être force de proposition de nouvelles méthodes expérimentales. Merci à vous deux. Je vous propose que nous écoutions ensemble la chronique d'Alexandra Delbo qui va nous parler des protéines du petit lait. Lait écrit L-A-I-T. Comment recycler les métaux rares? Ils sont très utilisés en électronique pour leurs propriétés conductrices, mais par définition, ce sont des ressources non renouvelables. Cela ne veut pas dire qu'il ne se forme jamais de nouveaux métaux sur notre planète, mais simplement que la ressource s'épuise plus vite que sa vitesse de formation. C'est ce qui rend certains métaux comme l'or, qui va nous intéresser ici, rares et donc chers. Et au-delà de ces aspects pratiques et pécuniaires, l'extraction de l'or, légale ou non, est une catastrophe environnementale. Raphaël et Kadzanga est professeur et directeur du laboratoire des aliments et des matériaux mous à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich et dernier auteur de cette étude parue dans Advanced Materials. Pour avoir une tonne d'or, il faut remuer 100 000 tonnes de rochers. Donc, si vous pensez à les émissions qui sont associées, 1 kilo d'or, ça équivaut à plus de 12 000 kilos d'émissions de CO2. Donc, l'impact environnemental, il est énorme dans l'or traditionnel. Il faut savoir aussi qu'un tiers des mines d'or dans le monde est illégal. Ça se fait avec les mercures, avec des cyanides. Donc, par exemple, ça, c'est un problème qu'on a souvent en Afrique, en Amérique du Sud, dans la région de l'Amazonie, dans plusieurs pays, toutes les rivières sont polluées au mercure. Donc, on ne peut pas manger les poissons qu'on pêche. Plus de 800 tonnes de mercure, d'émissions, de vapeurs de mercure dans l'air. Donc, il y a des dommages au sol, à l'eau, la flore, la fauna. Donc, l'enjeu, il est énorme. Des techniques existent pour recycler et récupérer cet or et elles utilisent tout un peu le même principe. Première étape, un traitement acide permet de rendre soluble l'or solide et de le faire passer à l'état d'ion chargé. Et seconde étape, parce qu'il porte une charge, on va pouvoir récupérer un petit peu de cet or sur des résines chargées, elles aussi, mais du signe opposé. Le problème, c'est que ces résines échangeuses d'ions coûtent extrêmement cher et qu'elles ont aussi un impact environnemental non négligeable parce que la synthèse des polymères est gourmande en CO2. Et donc, la solution proposée dans cette nouvelle étude est écologique et économique, puisqu'elle se sert de petit lait. C'est un déchet de production du fromage, et les protéines de ce lactosérum, comme on l'appelle aussi, étaient déjà connues et étudiées pour leur affinité particulière des métaux lourds et de certains radioéléments. La recette pour transformer des déchets de fromage en mine d'or est la suivante. Faites chauffer le lactosérum pour dénaturer les protéines, pour que leur forme passe de petites sphères à de longues fibres. Ensuite, salez pour que les fibres se touchent et qu'un gel nanométrique se crée. Faites sécher par sublimation, sous vide, dans l'équivalent d'un congélateur. Et pour finir, plongez cette éponge dans la solution de déchets électroniques liquides. L'enjeu est donc de récupérer beaucoup d'or, assez pur, sans autres métaux. Et résultat, le rendement est très bon. Dans les cas qu'on a étudiés, il y avait au départ 1000 fois plus de cuivre que de l'or. Donc, normalement, on s'attendait à avoir de l'or, mais avec une composition assez faible. Et en fait, la surprise, et c'est ce qui est vraiment génial avec ces protéines du lactosérum, dans les pépites finales, on a 10 fois plus d'or que de cuivre. Donc, l'absorption, elle est sélective. Elle est préférentielle pour l'or et pour être tout à fait honnête avec vous, on ne s'attendait pas à avoir une performance telle, un enrichissement de l'or dans les pépites finales. Un kilo d'éponge, il est capable d'absorber presque 20% de son poids en or. Donc, si on a une éponge d'un kilo, on peut espérer d'en absorber presque 200 grammes d'or. Donc, c'est une capacité énorme. Et si vous regardez ça d'un point de vue économique, évidemment, nous sommes beaucoup plus rentables de toutes les autres techniques d'absorption qui sont sur les marchés. Pour 1 euro investi, on récupère environ 50 euros d'or parce que le matériau initial, le petit lait, ne coûte rien. Attention, je vous ai donné cette recette, mais ne soyez pas trop premier degré. Si vous pensez pouvoir faire ça dans votre cuisine ou dans votre jardin et potentiellement devenir très riche, ce ne sera pas avec des déchets de fromage. Si la substance de départ est bien inoffensive, toutes ces étapes nécessaires de traitement, parfois acides, avec des fumées toxiques et corrosives, sont réalisées dans un laboratoire bien équipé. Pour l'instant, cette éponge est encore sur la paillasse. La poursuite de ces travaux, c'est le changement d'échelle, passer à un niveau industriel et donc construire un modèle économique pour voir si dans les faits, c'est une solution rentable. Merci Alexandra et merci à vous deux, Antoine Droit et Marine Vandenbroek, pour vos explications très claires. On vous souhaite bonne chance dans vos recherches. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Élise Leu et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.